Chapitre 2. L'agent auquel Gévrol abandonnait une information qu'il jugeait inutile était un débutant dans la partie. Il s'appelait Lecoq. C'était un garçon de 25 à 26 ans, presque imberbe, pâle, avec la lèvre rouge et d'abondants cheveux noirs ondés. Il était un peu petit, mais bien pris, et ses moindres mouvements trahissaient une vigueur peu commune. En lui, d'ailleurs, rien de remarquable. Sinon l'œil qui, selon sa volonté, étincelait ou s'éteignait comme le feu d'un phare à éclipse, et le nez, dont les ailes larges et charnues avaient une surprenante mobilité. Fils d'une riche et honorable famille de Normandie, Lecoq avait reçu une bonne et solide éducation. Il commençait son droit à Paris, quand dans la même semaine, coup sur coup, il apprit que son père, complètement ruiné, venait de mourir, et que sa mère ne lui avait survécu que quelques heures. Désormais, il était seul au monde, sans ressources, et il fallait vivre. Il put apprécier sa juste valeur. Elle était nulle. L'université, avec le diplôme de bachelier, ne donne pas de brevet de rente viagère. C'est une lacune. À quoi servait à l'orphelin sa science du lycée? Il envia le sort de ceux qui, ayant un état au bout des bras, peuvent entrer hardiment chez le premier patron venu et dire « Je voudrais de l'ouvrage ». Cela travaille et mange. Lui demanda du pain à tous les métiers qui sont le lot des déclassés. Métiers ingrats. Il y a 100 000 déclassés à Paris. N'importe. Il fit preuve d'énergie. Il donna des leçons et copia des rôles pour un avoué. Un jour, il débuta dans la nouveauté. Le mois suivant, il allait proposer à domicile des rossignols de librairie. Il fut courtier d'annonces, maître d'études, dénicheur d'assurance, placier à la commission. En dernier lieu, il avait obtenu un emploi près d'un astronome dont le nom est une autorité, le baron Moser. Il passait ses journées à remettre au net des calculs vertigineux, à raison de 100 francs par mois. Mais le découragement arrivait. Après 5 ans, il se trouvait au même point. Il était pris d'accès de rage quand il récapitulait les espérances avortées, les tentatives vaines, les affronts endurés. Le passé avait été triste, le présent était presque intolérable. L'avenir menaçait d'être affreux. Condamné à de perpétuelles privations, il essayait du moins d'échapper au dégoût de la réalité en se réfugiant dans le rêve. Seul en son taudis, après un écœurant labeur, poigné par les 1000 convoitises de la jeunesse, il songeait au moyen de s'enrichir d'un coup, du soir au lendemain. Sur cette pente, son imagination devait aller loin. Il n'avait pas tardé à admettre les pires expédients. Mais à mesure qu'il s'abandonnait à ses chimères, il découvrait en lui de singulières facultés d'invention et comme l'instinct du mal. Les vols les plus audacieux et réputés les plus habiles n'étaient, à son jugement, que d'insigne maladresse. Il se disait que s'il voulait, lui... Et alors il cherchait, et il trouvait des combinaisons étranges qui assuraient le succès et garantissaient, mathématiquement, l'impunité. Bientôt, ce fut chez lui une manie, un délire, au point que ce garçon, admirablement honnête, passait sa vie à perpétrer, par la pensée, les plus abominables méfaits, tant que lui-même s'effraya à ce jeu. Il ne fallait qu'une heure d'égarement pour passer de l'idée au fait, de la théorie à la pratique. Puis, ainsi qu'il advient à tous les monomanes, l'heure sonna où les bizarres conceptions qui emplissaient sa cervelle débordèrent. Un jour, il ne put s'empêcher d'exposer à son patron un petit plan qu'il avait conçu et mûri, et qui eût permis de rafler 5 ou 6 000 francs sur les places de Londres et de Paris. 2 lettres et une dépêche télégraphique, et le tour était joué, et impossible d'échouer, et pas un soupçon à craindre. L'astronome, parfait de la simplicité du moyen, admira. Mais, à la réflexion, il jugea peu prudent de garder près de soi un secrétaire si ingénieux. C'est pourquoi, le lendemain, il lui remit un mois d'appointement et le congédia en lui disant « Quand on a vos dispositions et qu'on est pauvre, on devient un voleur fameux ou un illustre policier. Choisissez. » Lecoq se retira, confus, mais la phrase de l'astronome devait germer dans son esprit. « Au fait, se disait-il, pourquoi ne pas suivre un bon conseil ? La police ne lui inspirait aucune répugnance, loin de là. Souvent il avait admiré cette mystérieuse puissance dont la volonté est rue de Jérusalem et la main partout, qu'on ne voit ni n'entend, et qui néanmoins entend et voit tout. Il fut séduit par la perspective d'être l'instrument de cette providence au petit pied. Il entrevit un utile et honorable emploi du génie particulier qui lui avait été départi, une existence d'émotions et de luttes passionnées, des aventures inouïes, et au bout, la célébrité. Bref, la vocation l'emportait. Si bien que la semaine suivante, grâce à une lettre de recommandation du baron Moser, il était admis à la préfecture, en qualité d'auxiliaire du service de la sûreté. Un désenchantement assez cruel l'attendait à ses débuts. Il avait vu les résultats, non les moyens. Sa surprise fut celle d'un naïf amateur de théâtre pénétrant pour la première fois dans les coulisses et voyant de près les décors et les trucs qui, à distance, éblouissent. Mais il avait l'enthousiasme et le zèle de l'homme qui se sent dans sa voie. Il persévéra, voilant d'une fausse modestie son envie de parvenir, se fiant aux circonstances pour faire tôt ou tard éclater sa supériorité. Eh bien, l'occasion qu'il souhaitait si ardemment, qu'il épiait depuis des mois, il venait, croyait-il, de la trouver à la Poivrière. Pendant qu'il était suspendu aux fenêtres, il vit, aux éclairs de son ambition, le chemin du succès. Ce n'était d'abord qu'un pressentiment. Ce fut bientôt une présomption, puis une conviction basée sur des faits positifs qui avaient échappé à tous, mais qu'il avait recueillis et notés. La fortune se décidait en sa faveur. Il le reconnut en voyant Gévrol négliger aux formalités les plus élémentaires, en l'entendant déclarer d'un ton péremptoire qu'il fallait attribuer ce triple meurtre à une de ces querelles féroces si fréquentes entre rôdeurs de barrières. « Va, pensa-t-il, marche, enferre-toi, croisant les apparences, puisque tu ne sais rien découvrir au-delà. Je te démontrerai que ma jeune théorie vaut un peu mieux que ta vieille pratique. » Le laisser-aller de l'inspecteur autorisait Lecoq à reprendre l'information en sous-œuvre, secrètement pour son compte. Il ne voulut pas agir ainsi. En prévenant son supérieur avant de rien tenter, il allait au-devant d'une accusation d'ambition ou de mauvaise camaraderie. Ce sont des accusations graves, dans une profession où les rivalités d'amour-propre ont des violences inouïes, où les vanités blessées peuvent se venger par toutes sortes de méchants tours ou de petites trahisons. Il parla donc, assez pour pouvoir dire en cas de succès « Hey, je vous l'avais dit !» assez peu pour ne pas éclairer les ténèbres de Gévrol. La permission qu'il obtint était un premier triomphe, et du meilleur augure. Mais il sut dissimuler, et c'est du ton le plus détaché qu'il pria un de ses collègues de rester avec lui. Puis, tandis que les autres s'apprêtaient à partir, il s'assit sur le coin d'une table, étranger en apparence à tout ce qui se passait, n'osant relever la tête tant il craignait de trahir sa joie, tant il tremblait qu'on ne lût dans ses yeux ses projets et ses espérances. Intérieurement, il était dévoré d'impatience. Si le meurtrier se prêtait de bonne grâce aux précautions à prendre pour qu'il ne pût s'évader, il avait fallu se mettre en quatre pour lier les poignets de la veuve Chupin, qui se débattait en hurlant comme si on l'eût brûlée vive. « Ils n'en termineront pas, » se disait Lecoq. Ils finirent, cependant. Gévrol donna l'ordre du départ et sortit le dernier, après avoir adressé à son subordonné un adieu railleur. Lui ne répondit pas. Il s'avança jusque sur le seuil de la porte pour s'assurer que la ronde s'éloignait réellement. Il frissonnait à cette idée que Gévrol pouvait réfléchir, se raviser et revenir prendre l'affaire comme c'était son droit. Ses anxiétés étaient vaines. Peu à peu, le pas des hommes s'éteignit, les cris de la veuve Chupin se perdirent dans la nuit. On n'entendit plus rien. Alors Lecoq rentra. Il n'avait plus à cacher sa joie. Son œil étincelait. Comme un conquérant qui prend possession d'un empire, il frappa du pied le sol en s'écriant « Maintenant, à nous deux !»